bientôt ce sera l'attente, la peur, et le nom de Fukushima résonnera aux oreilles du monde entier, comme celui d'un cauchemar éveillé. La vague, elle, continuera sa route avec indifférence. Dans un an, le tsunami continuera de frapper, presque sans force, presque exténué, de l'autre côté de la planète. Il sera épuisé, presque muet, à bout de course, presque rien. Une vague d'une trentaine de centimètres. Encore de quoi renverser un homme et le jeter à terre. Autour du monde. Autour du monde. Autour du monde. De Laurent Mauvignier. Adaptation, Louise Loubrieux. Réalisation, Juliette Eman. Quatrième épisode. Pour que l'histoire... Mécaniquement, avec une docilité qui l'effraie, Louli avance d'une salle à l'autre en même temps que le groupe. Le Suisse a osé s'écarter. Son obéissance lui est insupportable. Elle repense à Salma qu'elle a rencontrée à l'aéroport de Tel Aviv la veille. Elle qui débarquait du Chili après 20 heures de vol. Elle repense à Salma et à leur conversation d'hier soir. Et moi, quel présent il m'a donné, le passé. Louli voudrait avoir la force de partir, de se mettre à courir. Elle voudrait que son téléphone se mette à vibrer dans son sac à dos et sortir et fuir ce dégoût de voir étalé, ici au mémorial de Yad Vashem, dans les allées et dans les salles qui leur sont consacrées, comme exilés des années 40, des vieux objets ayant appartenu à des gens morts, à l'histoire et à la douceur d'une époque et d'un monde révolu. Des landaus, comme on en trouvait dans les rues de Varsovie dans les années 30. Des lampadaires d'époque, qui n'éclairent plus que leur présence fantomatique et celle d'employés fantômes qui courent vers des boutiques fantômes. Des spectres de famille glissant avec insouciance vers leur anéantissement, figés dans le recommencement des années d'avant-guerre. L'impression d'errer dans un film en noir et blanc, dans des décors de cinéma. D'être enfermé dans le délicat liseré jauni d'une minuscule photographie sépia et craquelée d'avant-guerre. Une fausse vie qu'on convoque pour la répudier et la ranger dans la naphtaline d'une mort de carton-pâte. Une bicyclette suspendue par des câbles qui flotte au-dessus des têtes, comme dans un conte pour enfants. Le portail d'Auschwitz. Le travail libère. Suspendu lui aussi comme une devise magique à l'entrée d'un paradis cynique, dans un ciel laiteux, éclairé par des spots blancs. Des photographies. Ce ton sépia. Ces couleurs ocre, cette mise en scène, ces reconstitutions qui lui soulèvent le cœur. Elle se sent accablée et pourtant elle est profondément touchée. Elle se sent en colère en se disant qu'ici on trafique l'histoire, non pas en la faisant mentir, mais en fabriquant de l'apitoiement. Lorsqu'elle entre dans la salle des noms, lorsqu'elle essaie de se dépêcher pour pouvoir bénéficier de quelques secondes où, elle l'espère, elle pourra être seule sous le grand cône pointant vers le ciel, Louli est saisie d'une émotion si forte qu'elle doit s'arrêter. 600 photographies d'hommes et de femmes et d'enfants déportés. 600 visages. 600 regards au silence tourné vers elle. 600 interrogations braquées vers elle, qui s'adresse à elle et reflète ses propres incompréhensions devant leur disparition et devant sa présence ici, devant eux. Louli reste interdite et tellement émue qu'à ce moment elle doit ressembler à sa mère, ce même visage un peu défait, atterré, dont elle s'était étonnée de l'avoir soudain affublée quand elle lui avait parlé de son désir de venir à Jérusalem. « Je devrais venir, maman. On devrait même faire le voyage toutes les deux. » Et sa mère, d'habitude si encline à l'écouter et à poser son stylo sur son bureau. « Oui, ma chérie ?» Sa mère, d'habitude si prompte à suspendre l'activité de son ordinateur parce que sa fille veut lui parler, eh bien cette fois non. La mère de Louli n'avait pas été prête à l'écouter. J'ai vraiment besoin de savoir maintenant, pour avancer. Alors quoi ? C'était ça ? On lui cachait un secret ? Son grand-père avait été un dangereux criminel nazi, comme dans certains films ? Mais cette idée-là, Louli n'y croyait pas. C'était bien trop romanesque pour être crédible. Tu l'as bien connue, toi, Mémé Maria ? Pourtant, il y avait un secret. Elle en était certaine. Il y avait des bijoux, des sculptures, des tableaux, et du côté de sa mère, des grands-parents venus d'Europe, exilés. Il y avait un secret. Mais le mot était trop fort. Non, c'était plutôt une ombre, un silence. Louli avait su tout de suite que c'était lié à la Pologne, aux Juifs, à ses grands-parents. Et ton père ? À cette mémé Maria qui était morte alors qu'elle avait 10 ans. Il y avait donc aussi ce nazi potentiel, ce tortionnaire qui avait... Je sais pas grand-chose. Qui aurait échappé aux justiciers de l'après-guerre. Ce grand-père, ce vieux monsieur dont elle ne savait rien parce qu'elle ne l'avait pas connu. Comme elle ne savait rien de leur arrivée au Chili. Leur arrivée à Santiago, maman, c'est en quelle année ? Ça a plus de 60 ans, qu'est-ce que ça peut faire ? C'est si vieux. Non, mais je demandais ça comme ça. Louli avait tout repris. Les 60 ans dans l'autre sens. Louli avait agi l'air de rien, interrogeant tous ceux qui auraient été susceptibles de l'aider, mais sans chercher à forcer les réponses, et en aiguisant son sens de l'interprétation, guettant plutôt la signification sous l'anecdote, la laissant surgir au détour de phrases plus anodines encore que les questions les ayant suscitées. Ce qu'on mangeait à l'époque, en Pologne, et ils étaient d'où en Pologne ? D'une grande ville ? De la campagne ? Et comment était la grand-mère quand elle était jeune ? Elle était belle ? Et ces peintures que le grand-père avait dans son bureau, les peintures aux couleurs vives et étranges de ce Schlimmer, est-ce qu'il était encore vivant, ce peintre ? Est-ce que c'était un ami de son grand-père ? Puis Louli s'était mise à fouiller dans les affaires de ses parents. Elle n'avait rien trouvé qui lui apporte des réponses très concrètes, mais de quoi nourrir ses questions en les humanisant, en comprenant soudain que quelque chose de ce qui la taraudait avait réellement eu lieu. Que ce n'était pas une fiction ni un rêve, mais des histoires incluses dans l'histoire, figées comme des gouttes de couleur dans les boules de sulfure. Quelques photos grises et pâlies avec leurs petits êtres prisonniers dans des costumes et des poses d'un autre temps. Et puis des vieux billets de banque, des zlotys, dont l'un, un billet de 100 à la figure vieux rose, était barré du nom de Dora. C'était écrit en lettres majuscules et souligné deux fois d'un geste sûr, d'une encre violette et presque effacée, qui autrefois avait dû être noire. Quelques cartes, des lettres pliées en quatre dans des enveloppes aux multiples cachets, aux timbres illisibles, des documents écrits dans une langue étrangère. Elle apprendrait ces mots de polonais lus sur un passeport. Dovod Osobisti, motif personnel. De quoi se poser des questions au-delà de ses papiers d'identification, au sujet de l'identité de son grand-père et de sa grand-mère. Et puis ce nom qu'elle avait vu des tonnes de fois, signature au bas des grandes toiles. Les natures mortes bizarres dans les chambres, les paysages oniriques dans le salon, les femmes nues aux couleurs crues dans le bureau du grand-père et dans la bibliothèque, des peintures dont on avait hérité des grands-parents. Ce nom qui revenait et qui avait tout changé. Une signature brossée en bas à droite des toiles qui avait tout révélé pour elle. Schlimmer. Adema ? Adema ? Qu'est-ce que vous lui voulez ? Adema ? Qu'est-ce que vous lui voulez à la fin ? Derrière elle, la porte s'est ouverte. Le son de la télé dans un écho de voix souligné par une musique mélodramatique. La femme avance, les yeux brillants de larmes, son air bouleversé et furieux. On ne veut pas vous voir. On ne veut pas. Allez-vous-en, on ne veut pas vous parler, on ne veut pas. Vous entendez, oui ou non ? Vous entendez ? On ne veut pas parler ! Foutez-moi la paix, bordel, mais lâchez-moi ! Lâchez-moi ! Yona, qu'est-ce qui se passe ? Un visage, un corps, grand, Yona, jeune. Un homme en survêtement et sweatshirt qui s'interpose et prend la femme dans ses bras. Ça suffit. Je viens voir Adema. J'ai fait des milliers de kilomètres pour la voir. On n'a rien à vous dire, d'accord ? J'ai fait des heures d'avion pour la voir. Elle devait venir me chercher à l'aéroport. Mais elle n'est pas venue, merde ! Vous comprenez ? Depuis hier soir, j'attends et j'attends et j'ai pas de nouvelles d'elle. De personne. Et mon copain que je devais retrouver aussi, j'ai pas de nouvelles. Je sais pas quoi faire, moi. Qu'est-ce que vous lui voulez, à Mademoiselle Schlimmer ? At the moment, the company has been collecting information about mechanical... Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Louis. Je ne peux pas parler maintenant, je vous rappellerai. C'est Selma. Je suis désolée, Louis. J'ai pas pu t'appeler plus tôt. Il est déjà tard, c'est vrai, mais la journée a été... Enfin... On pourrait se promener toutes les deux demain ? Ça me ferait plaisir. Dans la vieille ville, si tu veux. Je t'embrasse. Dans cette chambre d'hôtel, Louli est prostré, vidé de toutes ses forces, anéanti par sa journée. Atteinte, comme si la moelle épinière de son existence avait été touchée, et rien ne peut la relever du fauteuil de velours vert dans lequel elle laisse défiler devant elle les images de la télévision. Des images aussi folles qu'elle. On dirait que quelque chose a craqué aussi dans le monde. Un monde qui penche, qui tangue. Elle ne comprend pas ce qui la sidère le plus de sa journée vécue ou de ce qu'elle voit à la télévision. Ou les deux. La conjonction des deux. Une vague noire submergeant une autoroute. Une piste d'atterrissage et des avions encastrés les uns dans les autres. Comme des origamis précieux et dérisoires. Des tonnes de boue noircissant des paysages. Des horizons dévastés et des forêts rasées. Des voitures renversées, retournées. Des maisons et des routes éventrées. Et puis la voix de cet homme en survêtement bleu dans l'escalier. La voix de l'homme qui résonnait et vibrait et résonnera longtemps dans sa mémoire. Qu'est-ce que vous lui voulez, la mademoiselle Schlimmer ? Est-ce que Louli aura la force de faire à Selma le simple récit chronologique, linéaire de sa journée ? Ou alors, elle pourrait peut-être raconter des bribes, décousues, hachées, la violence à laquelle elle avait été confrontée quand l'homme, en survêtement, avait proposé de l'emmener à l'hôpital Adassa. Adema était une voisine, mais je ne la connaissais pas très bien. Une fille très chouette. Yona est très choquée, c'était sa meilleure amie. Louli avait juste redressé la tête vers Benjamin lorsqu'il avait dit « était ». Mais cette jeune femme, victime de l'attentat de la veille à l'aéroport, cette fille, Adema, n'est pas encore morte, avait failli l'interrompre Louli. Elle n'avait rien dit. Elle ne pouvait pas regarder Benjamin. Elle n'aurait pu regarder personne. Elle se sentait coupable. Et qui pourrait lui dire qu'elle ne l'était pas, puisque c'est elle qui avait décidé de retrouver les descendants du peintre Schlimmer. Elle qui avait réussi à retrouver la trace d'Adema, la fille du neveu d'un peintre dont tous les jours de sa vie, Louli avait vu des tableaux chez elle, au Chili. Et cette signature qui avait été pour elle le point autour duquel tout s'était concentré. Schlimmer. Adema, qui était plus âgée qu'elle d'une dizaine d'années et vivait seule à Jérusalem. Louli et elle avaient fait connaissance par Internet. Elles étaient devenues amies. Elle avait voulu aller là-bas, à Jérusalem, et maintenant il faut se rendre à l'hôpital Adassa et rencontrer les parents d'Adema, les affronter. C'est au bout du couloir. Accepter l'idée qu'on l'accuserait peut-être, parce qu'on ne lui avait rien demandé, et qu'elle, en voulant réparer des histoires mortes, des histoires qu'on avait oubliées, venait seulement les prolonger, les réactiver. Comme un feu mal éteint. Et c'était elle que leur fille était partie chercher à l'aéroport ? Celle qui avait... Non, elle n'avait pas tué Adema. Mais qui lui dirait qu'elle ne l'avait pas tuée ? Est-ce que quelqu'un lui dirait qu'elle n'y était pour rien ? Est-ce que quelqu'un lui dirait qu'elle n'était responsable de rien ? Nous arrivons. Ses parents sont là tous les deux. Attendez-moi ici. Un homme et une femme assis dans une petite pièce vitrée. Un couple d'une cinquantaine d'années dont chacun semblait ignorer l'autre, pris dans sa propre solitude, enfermé dans sa propre angoisse. Est-ce que Louli raconterait ça à Selma ? Est-ce qu'elle pourrait ? Est-ce qu'elle lui parlerait de ce que c'est que de voir des gens pour la première fois de sa vie, alors qu'on sait depuis toujours qu'on est lié à eux ? Son cœur bat si fort quand Louli se demande ce qu'elle racontera demain à Selma. Elle se dit qu'elle ne pourra pas vraiment expliquer comment Benjamin était entré seul dans la pièce. Comment les parents d'Adema s'étaient levés. Comment Benjamin les avait salués et comment, tout de suite, le père d'Adema s'était mis en colère. Il avait levé le bras et désigné Louli avec mépris en regardant sa femme et Benjamin. Venez, ne restez pas ici, venez. Ici, vous ne le savez pas, vous, mais... Comment voulez-vous que 7 millions de Juifs, entourés par une centaine de millions d'Arabes, ne soient pas perpétuellement inquiets? Ici, en Israël, traverser la rue, aller faire ses courses, simplement vivre, tout est recouvert par la peur. Non, pas la peur. Le risque, mais pas la peur. Le risque des attentats, de la mort. Ce danger, on vit avec depuis toujours. C'est notre vie, on n'y peut rien. Adama le sait depuis toujours. Est-ce qu'elle pourrait dire à Salma, lorsque demain Louli la retrouvera, combien tout ça était complètement fou? Comment elle commencerait? Par quoi? Le Chili? La Pologne? Sa grand-mère? Sa mère? Maman? Elle? Je te laisserai pas partir avant de savoir. Mais savoir quoi? Savoir qu'est-ce que ça peut changer pour toi, hein? Dis-moi. Maman, je veux savoir l'histoire de ma famille. Et si c'était des nazis, je veux le savoir. Des nazis? T'es folle? Je veux le savoir. Ah, mais ce que t'es drôle, ma petite Louli. Ce que t'es drôle à tout vouloir savoir. Le peintre, ce Schlimmer. Qui est Schlimmer? C'est ridicule, Louli. Finissons-en. Laisse-moi sortir, ton père m'attend. Non. Pas avant. Avant quoi? Tu le sais. Il n'y a rien à dire. Si. C'est du passé. Maman, qui est Schlimmer? Ta grand-mère, elle a vu des choses horribles. On ne peut pas la juger. Tu ne peux pas la juger. Elle a vu ses parents étendus dans la boue, abattus. Elle a reconnu ses deux frères massacrés avec des dizaines d'autres, les corps entassés avec lesquels on avait fait une pyramide dans une église. Et tu voulais qu'elle ne fasse pas tout pour avoir une chance de s'en sortir. Elle était blonde, comme toi, comme moi. Elle avait la chance d'avoir le profil à rien, tu comprends? C'est la chance qu'elle a pu saisir. Et Dieu, Dieu dans tout ça. Est-ce qu'on peut lui reprocher de ne pas avoir voulu mourir enceinte? Sainte, chez les Juifs, est-ce qu'il y a des saints chez les Juifs? Pour sauver la foi juive? Pourquoi sauver la foi juive? Est-ce qu'on peut lui reprocher d'avoir choisi de sauver sa vie plutôt que... cette foi, c'est si bien que ça d'être juif? Ça vaut qu'on se sacrifie, tu crois? Est-ce qu'elle n'a pas eu raison? Les juifs, tout le monde a ce mot à la bouche. Mais le sacrifice, son sacrifice, ça aurait changé quoi? Tu crois pas qu'il valait mieux vivre en catholique que mourir comme une juive? Est-ce que renier sa foi, dis-moi, c'est plus grave qu'abandonner la vie que Dieu t'a donnée? Où est l'offense? Quelle est l'offense? Et qu'est-ce que ça peut faire de renier une religion comme ça si c'est pour devenir catholique? Son prénom c'était Dora, et elle était juive. Et nous aussi, nous aurions pu être juives, toi et moi. Toi aussi. Il paraît que ça se transmet par la mère. Tu entends? Tu comprends? T'es contente? T'es fière? C'est ça que tu voulais savoir? Qu'il fallait que tu saches, dis, c'est ça? Et puis Schlimmer. Le peintre. Oui, le peintre Schlimmer. C'était mon grand-père, Louli. C'était mon grand-père. Maman. Où j'avais les lectures pour les enfants. Lorsqu'elles sont enfin réunies, Louli, le visage fermé, presque souriante dans sa dureté, ne parle presque pas. Salma met tout ça sur le compte de la fatigue. Elle est concentrée sur ce qu'elle a vu, cette violence ordinaire, ce quotidien banal et injuste pour les Palestiniens. Bientôt, elle raconte comment elle-même a été prise à partie par un militaire qui avait cru qu'elle était palestinienne. Un militaire, un abruti là, qui me tombe dessus, mais je te jure, il m'aurait piétiné. C'était horrible, un mépris. Quand il a compris que j'étais étrangère, là, il s'est excusé, tu vois. Ouais. Mais je lui aurais craché dessus, j'étais tellement furieuse. Ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'il m'a pris pour une Palestinienne, au moins ça. Salma ne sait pas encore que Louli vient d'entreprendre un grand voyage qui changera sa vie de fond en comble, qui va la dévaster, la ruiner, qu'elle traversera ce champ de ruines pour renaître à elle-même, réconciliée avec son histoire. Elle ne regrettera pas le choix qui va naître bientôt. Elle qui, dans une dizaine de mois, retrouvera la judéité de sa grand-mère et aura rompu avec ce fiancé qui n'aura jamais pu comprendre en quoi elle avait changé. Elle reviendra ici et repensera souvent à ce jour, à Salma, la chère Salma à la voix si douce et bouleversante. Elle prendra une place dans le présent et fera sienne la signification du prénom d'Adema. Ne pleure pas. Salma s'étonne quand elle parle des territoires occupés, de voir Louli détourner le regard, dire, murmurer. Occuper, disputer. Salma parle de Chouafat comme d'un monde enfoui dans une autre histoire. Salma raconte comment, quand on vient de l'autre côté de la ville, de derrière le mur qui sépare les Arabes des Juifs, c'est comme si on venait d'un autre monde. Elle parle du checkpoint où elle s'était présentée ce matin. Là, des militaires avaient entrepris de fouiller tous les Arabes qui voulaient rejoindre leur lieu de travail. Pas seulement des Arabes, mais tous les gens. Des chauffeurs de taxi, des femmes de ménage, des ouvriers gueulant parce qu'ils allaient être en retard. Salma raconte la queue s'allongeant. Cette femme qu'on avait obligée à vider ses affaires et qui avait refusé. Qu'on avait fouillée et qui refusait de se laisser faire. Maudissant les Juifs en disant qu'ici on la connaissait. Tout le monde savait qu'elle était honnête. Tous les matins, elle franchissait le checkpoint. Pourquoi on voulait l'emmerder ce matin, elle ? Salma raconte ce dégoût, l'humiliation. Salma connaît le désespoir, la misère. Elle connaît les ravages de la guerre, de l'oppression. Elle parle en se penchant vers Louli pour lui dire que jamais de sa vie elle ne s'y fera. Ce monde est impossible. Les Palestiniens finiront par avoir gain de cause. Il le faudra. Enfin, moi je ne m'y ferai jamais. C'est impossible. Je ne peux pas m'adapter à un monde pareil. C'est vrai, on ne peut pas chasser les gens de chez eux. Une telle injustice, une telle violence. Ça ne s'arrêtera jamais. On sent, c'est un cycle éternel, éternel. Ce sera toujours ça, ce sera toujours ça. Ces gens-là seront à la porte de chez eux. Ils sont à la porte de chez eux. Louli la regarde et écoute. Salma se souviendra longtemps de ce regard, de cette écoute. Elle emportera avec elle, lorsqu'elles se quitteront tout à l'heure, une vague gêne, comme un sentiment diffus et étrange de malaise, presque d'hostilité. Elle ne comprendra pas. Elle raconte qu'elle a vu des choses comme ça en Afrique, lorsqu'elle était plus jeune. Mais elle dit qu'ici, il y a une telle désespérance que les Palestiniens regardent le monde se faire sans eux. Et l'espoir, pourtant, avec les révolutions arabes, le nom Palestine qui revient dans sa bouche, le mot colonie, le mot liberté aussi, le printemps arabe leur apportera un peu de réconfort, dit-elle. Elle croit au sens de l'histoire. Mais elle sent que Louli dit oui pour lui faire plaisir. Et puis, en proposant de boire un verre avant d'aller visiter le Saint-Sépulcre, Salma avait voulu dédramatiser et avait commencé par marcher en prenant le bras de Louli et en lui murmurant à l'oreille, avec ironie, parce que seule l'ironie pouvait la sauver de la colère, seul un peu d'ironie pouvait rendre ce monde supportable, que de l'autre côté du mur, au moins, on n'était pas emmerdé par les touristes. Tous ces touristes qu'on regarde comme si nous ne faisions pas corps avec eux et qu'ils représentaient un monde où les spectateurs viendraient assister au spectacle à l'intérieur même du décor, nourrissant la scène de leur présence et l'alimentant par la rumeur flottante et vague, fantomatique et bruyante, de leurs commentaires et des appareils photos, créant, par les flashs et les milliers de déclics, ce halo sonore et lumineux, cette aura de prestige nécessaire à toute mise en scène. Et puis les pose au pied de monuments indifférents et blasés d'une telle agitation, comme si les monuments eux-mêmes se résignaient à être des alibis, disparaissant derrière le sourire convenu, s'évanouissant derrière le rituel reproduit partout dans le monde, avec la même docilité et la joie de cette multitude encline à fabriquer les images de son bonheur, comptant sur tous les ingrédients qui doivent le composer et que nul n'a besoin de répertorier pour chercher à y satisfaire. Des monuments connus, du soleil, le dépaysement et des rencontres, toutes ces amitiés de hasard qui deviendront indéfectibles ou, au contraire, simples figures de passage vouées à l'oubli, plus ou moins étrange et insignifiante. Et si Afik pourrait en raconter beaucoup, lui qui a tant voyagé, même si, maintenant, dans la chambre de son hôtel, il se dit qu'au lieu de rester scotché à la télévision et aux images du séisme au Japon, il faudrait sortir. Mais sortir ? Avec cette neige incessante ? Dans ce Moscou glacial où le ciel et le paysage, dans le cadre de la fenêtre, se mélangent dans une épaisse grisaille laiteuse et aveuglante ? Siafik éteint la télévision et prend son passeport sur la tablette à côté de son lit. Il ne sait pas pourquoi, il regarde sa photographie, ses prénoms et noms, son numéro d'identification, ses mensurations, ses signes distinctifs, son âge, le lieu de sa naissance. Et c'est comme s'il regardait le portrait d'un personnage de fiction. Autour du monde, de Laurent Mauvignier. Adaptation Louise Loubrieux. Quatrième épisode. Avec Elsa Le Poivre, Salma. Rebecca Stella, Louli. Valérie Moinet, la mère de Louli. Clément Hervieux-Léger, Siafik. Et les voix de Guillaume Marquet, Anne Stephens, Aurélien Labruyère, Christophe Chen, Valentin Capron, Bruno Forget, Blanche Gel, Milan Isard, Nathalie Janet, Joanne Proust et Agnès Mir. Composition musicale, électro et harmonique, Dominique Massa et Patrick Martinache. Contrebasse, Erwan Ricordo. Clavier, Dominique Massa. Bruitage, Sophie Bissens, Elodie Fiat. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Bernard Laniel, Antoine Viossa. Assistante à la réalisation, Claire Chéneau. Réalisation, Juliette Eman. Autour du monde est paru aux éditions de Minuit.